C'est fou ça. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Vincent Gauthier qui nous parle de sport et on mange des coups doubles de PFK dans la chronique C'est un fait. Hein? Ça va bon, hein? Ah ouais. Mercredi 17 novembre 2010, on est en direct des studios de CFOU à Trois-Rivières. Bienvenue à Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Moi, je vais bien ce matin. Ah, franchement, François, je vais très, très bien. Ben non, voyons, à la radio, tout va bien. Je sais, c'était juste une blague. Est-ce que tu veux que je t'en sac une? Non, ça va bien, à part les problèmes d'ordi qui sont récurrents et qui n'arrêteront jamais. Que voulez-vous, ma vie est comme ça. Hein? Peut-être la vôtre aussi. Ils vont arrêter quand ton heure sera venue. Ah, voilà. Peut-être un jour, peut-être. Aujourd'hui, à l'émission, on a Vincent Gauthier avec sa super chronique sport qu'on appellera sûrement pas Vincent 10%. Vincent 10%, même on aime si ça. Moi, j'adore ça, mais lui, je suis pas sûr qu'il va être convaincu. Hein. On aime ça. Écoute, je peux pas te préciser au fait de quoi il va nous parler, car je n'ai pas eu cette information. Par contre, ça va être aux alentours de 8h, 8h15. Parfait, et on sait que ça va être bon. Oui, tout à fait. La semaine dernière, c'était excellent. Il nous a parlé de football canadien et de football américain aussi. Ouais. Dans la chronique, c'est un fait. On va parler, entre autres, de baseball. Donc, ça a rapport un petit peu avec les sports, hein, pourquoi pas. Et du coup d'œuf de PFK qui a moins de cholestérol qu'un jaune d'œuf. C'est ce qu'on dit. C'est mais... dans la chronique, c'est un fait tantôt. Ah. Tu le crois pas? Non. Ah ben, t'as le droit. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Peut-être bien qu'on va se lancer dans un poste d'écoute aujourd'hui. Peut-être pas. Avec Vidéoville. Oui. On va le faire. On est capable de faire ça. Ben, OK. Hey, est-ce que tu doutes de mon talent pour mettre toutes les chroniques qu'on promet dans la même émission? Non. Sans les remettre à plus tard ou à demain. Ou à les oublier carrément. Complètement. On va écouter un petit peu de Malajube. Voici Ursuline. C'est triste, ça, ce matin. Ouais, ben, ça va avec mon humeur. Hein? Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque nationale. Final Flash et The Awakening sur l'album Homeless à Assemblage Requis. Que c'était bon. Un bon petit bloc ce matin. Et c'est, hein, c'est une matinée pour dormir. Ouais? Ah, tout à fait. Avec la pluie, là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à me lever quand il fait pas beau. Mmh. Ce qui est le fun, c'est regarder dehors. Juste regarder dehors quand il pleut, mais pas sortir. Moi, j'aime ça quand il pleut, pour vrai. Je trouve ça me met dans une ambiance. Ouais, à l'intérieur de la maison, j'adore ça. Ah. Dehors, pas tant que ça. Non, non, c'est ça, non. Pas c'est pas... Sais-tu qu'est-ce qu'il y a... qui n'aime pas la pluie, surtout? Côté poils, les moustachus. Et ça, on en parlera tantôt. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va appeler une personne, en fait, ce matin. Ouais. Juste pour se prendre une à la fois. Les autres la semaine prochaine. Parce qu'il y a deux semaines, on avait appelé plein de gens pour se faire pousser la moustache. Bref, on vous en reparlera tantôt. Pour l'instant, on va parler de faits. Des choses, tu sais, telle une moustache qui pousse dans la face, ça, c'est véridique. Tu le sais, tu la vois dans le miroir, tu la vois. Elle est là. Tu la sens. Tu peux la toucher avec ton nez si tu fais des drôles de grimaces comme tu viens de faire. Comme ça. Donc, c'est un fait. C'est un fait qui est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon différentes sources sur Internet. Commençons avec un que j'aime bien. Tony le Tigre, tu connais la mascotte des Frosty Flakes? Regarde! Tony le Tigre a battu Newt le Gnu, Elmo l'éléphant et Katie le kangourou. J'en connais pas. La mascotte. Non, mais ça aurait pu être les mascottes de Frosty Flakes. Ils n'ont pas existé. Okay. Mais il y avait comme un concours de qui va être la mascotte de Frosty Flakes. Une chance que c'est Tony le Tigre, hein, parce que là, à un moment donné... Hein? Ça veut dire que Tony Blair a été le premier ministre britannique à visiter la Californie? Non, je sais pas. Ben oui, c'est tout à fait vrai. Ça veut dire que l'ancien site web officiel de la Ligue majeure de baseball, la Major League Baseball, MLB, là, son premier site web c'était www.pcy.mci.net/MLB/index.html. Et ce sacrifice, c'est pas simple? Non, maintenant c'est MLB.com. C'est plus facile à retenir. Ouais, hein? Juste un peu. Ouais, un petit peu. Savais-tu que OT and the Blowfish, la formation OT and the Blowfish? Hey, c'est vieux, ça. C'est bon, ça? Hein? Ben, c'est non. Bon. Pas mauvais, mais non. Pas pire. T'aimais ça? Hein? Ben. Ah oui? Pas aimé, genre, je tripais sur le groupe, mais écoute, je me rappelle des chansons. Pas ce qu'ils chantaient, mais il me semble que c'était pas malade. Ah, je sais pas. On pourra checker tantôt, peut-être. Bonne idée. Donc, ils ont performé au mariage de Tiger Woods et Ellen Nordgren en 2004. Oh. C'était le groupe qui performait à leur mariage. Tiger Woods. C'est bien, hein? Ouais. Il y a des choses de même là, que tu dis crime. J'avais pas besoin de savoir ça. Ouais. C'est-tu que les girafes dorment seulement une demi-heure par jour? C'est vrai. C'est à cause du fait que les girafes sont constamment en train de surveiller leurs prédateurs. Hein? Okay. Non seulement est-ce que les girafes... Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime ça, ces faits-là. Ouais. Non seulement les girafes dorment 30 minutes par jour en tout, mais typiquement, ils brisent ça, ils cassent ça en série de 6 siestes de 5 minutes chaque. C'est paranoïaque, hein? Ouais. Paranoïaque. Ouais. Mais ils n'ont pas le choix. Ben, sinon, ils vont se faire chasser par les prédateurs. Ils n'ont pas le choix. Sais-tu que 6909 langages connus parlés dans le monde aujourd'hui? 6909, presque 7000, ça. Beaucoup. C'est beaucoup. Savais-tu que Doritos, celui-là tu le savais peut-être, que Doritos, Cheetos, Fritos et Tostitos sont tous produits par la même compagnie? Frito-Lay. Frito-Lay, exactement. La compagnie Frito-Lay qu'on connaît évidemment pour les chips Lay's, hein, on l'a compris par le nom. Mais d'autres produits par contre qui ne sont pas comme soulignés par le nom, par le fait que ça s'appelle Frito-Lay, c'est comme facile pour les Fritos puis les chips Lay's. Mais aussi, ils sont propriétaires de Sun Chips, Funyuns, Cracker Jack, Ruffles et les... Ah ouais? Oui, et je pense nouveau préféré en ce moment, là, je suis retombé dans les Rolled Gold, les pretzels, mais enrobés de chocolat. Ah, oh, j'adore ça. Ah, oh, je triple ça. Pourtant, c'était la mode, ça, les bretzels au chocolat, il y a genre, je pense, 10 ans. C'était comme la nouvelle affaire que tout le monde voulait avoir, puis il y avait des pubs, puis il y avait une barre de chocolat, genre Max 5, avec du bretzel dedans. Maintenant, j'essaie de trouver des Max 5, j'en trouve pas. Et puis là, ben, depuis quelques mois, on dirait, c'est comme revenu à la mode, là. Là, il y a des M&M avec des bretzels dedans. Il y a des Roll Gold avec des bretzels dedans. Tout est revenu. Puis là, c'est des pubs partout. Tu te fais massacrer la face avec ça, tu trouves pas? Ouais, j'ai remarqué un certain enthousiasme. Ben, il est mérité, je trouve, cet enthousiasme-là. Il aurait jamais dû partir, en fait. Ouais, c'est vraiment... Ça, c'est un autre histoire. J'adore. Ensuite, parlons du coup double de PFK. C'est très, très, pas très, très bon, finalement. J'ai goûté. Est-ce que t'as goûté à ça? Ça, là, tu parles de l'affaire qui a pas de pain. Là. C'est ça, c'est comme... Moi, c'est plus fort que moi. Je peux pas croire qui ont inventé ça. Pour vrai? Ouais, OK. Ben, dans le fond, c'est deux poitrines de poulet. Bon, enveloppées de... Il y a du bacon là-dedans, il y a du fromage, il y a de la sauce spéciale. Un total de 145 mg de cholestérol. Mais surprenamment, nous dit l'article, un seul jaune d'œuf contient plus de cholestérol que n'importe quelle autre chose qu'on retrouve dans la diète américaine moyenne. C'est-à-dire 215 à 275 mg dans un jaune d'œuf. Là, on parle de cholestérol. C'est plus que ce que tu devrais prendre dans une journée complète. Quand tu manges un... même si les on dit que les blancs d'œufs sont une bonne source de protéines, les chercheurs canadiens suggèrent qu'on devrait arrêter ou au moins se calmer sur les jaunes d'œufs. Consommer trop de cholestérol, ça risque de vous causer une attaque cardiaque ou des trucs comme ça. Ah, qui nous disent? Ah non, tout à fait. Bon. Là, c'est pas recommandé, mettons. C'est ça. Par contre, bon, même si le coup d'eau a plus de cholestérol, moins de cholestérol qu'un jour d'œuf, ça veut pas dire que c'est bon, hein, non plus. 540 calories, 32 grammes de gras et 1380 mg de sodium. Et au moins. Beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Ouais. Beaucoup de sel et ensuite beaucoup de sel aussi, mais d'une autre sorte, là. Mais bon. Non, mais au moins si ça goûtait bon. Ça serait correct. Je serais prêt à me sacrifier une fois de temps en temps. Ça, si tu manges ça une fois par quelques mois, c'est pas super grave. Mais c'est même pas bon, je trouve. Moi non plus, je suis vraiment pas un fan. Tu as goûté? Non, mais en fait, de PFK... OK, là, en général. Ouais, en partant, moi, on dirait que ça me bloque. J'ai jamais été attiré vers ça. Non. Ah, ben, t'as le droit. Ben, moi, la dernière fois, j'y étais, c'était avec toi, Mathieu. Ah oui? Oui. Et que ça fait, je me rappelle même plus d'être là avec toi. Ouais. Eh ben... En tout cas, coup double. Qu'il a au moins changé. Mettez un petit peu plus de saveur encore. Moins de sel, plus de saveur. Bon. Restons dans le sujet de Kentucky, pourquoi pas. Le colonel Sanders, le créateur de Kentucky Fried Chicken, est en fait né à Henryville, dans l'Indiana. Et non, dans le Kentucky. C'est surprenant. Arlen Sanders a déménagé au Kentucky à l'âge de 40 ans, alors qu'il s'occupait d'une station-service. C'est lui qui s'en occupait. C'est le genre de gérant, je sais pas trop quoi. Éventuellement, il a fini par s'occuper d'un restaurant avec du poulet frit. Il était tellement bon... que la gouverneure Ruby LaFoon l'a nommé le Kentucky Colonel, donc le colonel Kentucky en 1935. Ensuite, en 1952, le colonel Sanders a décidé de commencer à franchiser ses restaurants de poulet et PFK ou KFC est né. Un autre drôle de fait par rapport aux villes où les gens sont nés, on nous dit que Abraham Lincoln ne vient pas de l'Illinois, même si l'Illinois, on appelle ça le Land of Lincoln. C'est comme la phrase connue, Land of Lincoln, l'Illinois. En fait, non, il a commencé sa carrière politique dans une législature de l'Illinois, mais il est né dans le Kentucky, lui. Donc voilà, ça revient à Kentucky. C'est bon. Savais-tu que tu peux acheter des... Non, je vais sauter par le dessus, celui-là. Tiens, les léotards. Tu connais les léotards, les super... Les léotards? Comment t'appelles ça? Pour les gymnastes. Moi, un espèce de legging, mais... Mais qui couvre le corps, le haut du corps et jusqu'au... Ben, comme les lutteurs, là. Ouais, c'est ça. Savais-tu que ça a été nommé d'après Jules Leotard, qui était un artiste de trapèze qui portait des vêtements très, très serrés. Les léotards, avant ça, lui, il appelait son léotard un maillot. Un maillot. Tout simplement. C'est simple comme ça. Donc, il utilisait ça pour pas empêcher ses mouvements pendant qu'il faisait sa routine de danse, là, pour pas être encombré par les vêtements, et en même temps pour montrer ses muscles. Donc, ça a rapport avec les lutteurs là-dessus aussi. Son habit a éventuellement été imité par les gens qui performaient dans des cirques un petit peu partout dans le monde, et puis après ça, ben, dans les studios de ballet aussi. Mais ça a certains avantages dans le sens que ça colle sur ta peau, c'est pas accrochant. J'imagine que, en fait... Même que ça doit aider là, au niveau de la friction entre. Là, ça a du soutien aussi à certaines autres. Tout à fait. Le léotard a révolutionné la façon que les acrobaties sont performées. Ça, c'était au 19e siècle. On parle du gars léotard. Je parlais du vêtement, mais c'est le gars. Il a révolutionné la façon que l'acrobatie a été performée au 19e siècle. Il a été la première personne à performer un somersault dans les airs. Je connais pas les acrobaties du tout. Je n'ai une culbute dans... Ouais, moi non plus, là, en fait, là, rendu là. Et le premier à sauter d'une barre de trapèze à un autre. Ouais. Il faisait ces cascades-là avec seulement quelques matelas par terre. Mais il est mort à l'âge de 28 ans. Par contre, c'était pas à cause d'une cascade, c'était à cause probablement du choléra. C'est ce qu'on nous dit. Je sais pas, c'est triste. Tu connais la formation au football, le huddle? Tu sais, quand les gens c'est comme un genre de caucus, là, ils se mettent ensemble et ils se parlent. Là, ouais, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ouais, un huddle en anglais dans le football. Donc, c'est parti d'un joueur de football qui était sourd. C'est Paul Hubbard, le quarterback de Gallaudet University, une université pour les sourds et les personnes malentendantes, à Washington, D.C. C'est lui qui a eu l'idée du huddle dans les années 40. C'était pour empêcher les autres équipes de lire leur langage des signes, finalement, quand ils discutaient de ce qu'ils allaient faire pendant la partie. C'est devenu populaire, puis finalement, c'est utilisé encore aujourd'hui dans les parties de la NFL, le huddle. Huddle. Intéressant. Ouais, pas pire. Et il m'en reste un. Tu connais Curious George? Non. Il y avait un film, c'est un petit singe, pas de queue, dessin animé. Non, vraiment pas. Il y avait des DVD et tout ça, des affiches, non. Curious George, bref, c'est pas un singe qu'on nous dit. Parce qu'il n'y a aucune caractéristique d'espèce de singe connu. Le fait qu'il n'a pas de queue indique qu'il serait un... comment t'appelles ça? Ape. Colin, hey, wow. Ape? Ouais. C'est pas un gorille, c'est pas un chimpanzé, c'est pas un orang-outan. Ape. Et non un singe. Il y a certaines sortes de singes qui n'ont pas de queue, comme le Barbary Macaque et d'autres comme ça, mais qui ne ressemblent pas du tout à Curious George. En fait, des parents dans une école d'Atlanta, ça leur dérangeait tellement les imprécisions dans le personnage, dans l'anatomie de George, qu'ils ont essayé de faire enlever les livres d'une école. Tu sais, à m'amener, là. Ouais. En tout cas, finalement, ça ne s'est pas rendu jusqu'à la fin, puis ça n'a pas été enlevé, mais quand même. Mais juste de vouloir tout contrôler, pas de place à l'imaginaire, tu sais. En tout cas, je trouve ça pathétique. Ça me surprend qu'il n'ait pas essayé de bannir tout ce qui avait une queue à quelque part, tu sais. Je veux dire, les animaux qui ont des queues, là. Enlève-moi ça, ben trop suggestif, ça, là. Hein? Hey! Les actionner. C'est ça. Au moment où Curious George a été écrit, la plupart des gens parlaient des singes et des chimpanzés comme étant juste des singes en général. Donc j'imagine que ape, ça doit être un chimpanzé, mais je connais absolument pas ça. Aujourd'hui, on dit qu'on fait plus attention à la distinction entre les différentes espèces d'animaux. Voilà. Hein? Un singe, pas de queue. Sinon, écoute, on va militer pour enlever ça. Oh ouais. À l'écouter, je sais pas s'il y a ça, mais là... C'est bien important. C'est ça. Eh boy. Et tout. Bon. Ouais. Hey, merci, Matt. Ben, ça me fait donc plaisir. Hey, Matt, je te parle d'un autre fait aussi qui s'en vient. Je sais pas si t'en as entendu parler du Nexus S. Le Nexus S, un téléphone? Oui, c'est ça exactement. C'est le PDG de Google. Eric Schmidl. Qui a présenté en fait le prochain téléphone, le Nexus S. Et sais-tu quoi? C'est quoi la nouveauté dans celle-là? C'est quoi donc? Ça va... le téléphone en tant que tel va pouvoir servir comme moyen de paiement. Okay. Avec une puce à l'intérieur, en fait. On va présenter... Là, je sais pas, il explique pas non plus précisément, en fait, le modus operandi pour pouvoir payer. Là. C'est comme le PayPass de... Je pense que oui, je pense que ça va vraiment ressembler à cette manière de payer. En fait, ils disent que le système de paiement de Google doit s'appuyer sur un système de traitement des paiements accessibles en ligne pour effectuer le transfert des fonds. En fait, on va transférer de l'argent, je pense, sur le téléphone. Et puis, tout ça va se faire à l'aide d'une puce qui disent même plus sécuritaire que ce qu'on peut retrouver. J'espère qu'il va quand même y avoir sur un nid, parce que voler un téléphone cellulaire, c'est assez facile. Donc, c'est ça, non, je sais pas, mais j'imagine, en fait, avec le clavier, là, ça va être vraiment simple. Mais juste pour te dire, en fait, là, à quel point ils sont rendus loin. La technologie, ça avance. Hey, pour vrai, je sais pas, mais peut-être qu'un jour, on verra plus d'ordi, même plus des portables. Peut-être, ouais. Je pense que ça s'enligne vers ça, là, tranquillement. Là. Peut-être. Moi, je sais pas trop mon avis là-dessus. Moi, j'aime bien avoir un clavier physique. Et. Mais c'est ça. Ouais. Mais peut-être qu'en fait, tu vas plugger un clavier ou tu vas arriver à ton bureau. Ouais. Puis tu vas plugger tes trucs. Mais tu sais, si, mettons... Juste un écran, un clavier, t'as plus de boîte, tu traînes tout le temps ton boîtier. Ouais, j'avoue. C'est sûr que même si tu vas en quelque part, comme, mettons, tu vas, je sais pas, chez un ami, tu peux sortir juste ton écran puis taper dessus. Puis quand t'as besoin d'un clavier pour vrai, là, tu l'as à la maison. C'est à la place d'avoir un ordinateur de bureau et un portable dans ta maison, tu pourrais avoir juste ton portable, ton écran que tu branches sur ton clavier. C'est ça, exactement. Ou les TV aussi, là, ça vaut même les TV plates, là, dans le sens que tu peux plugger, en fait, tu peux surfer sur Internet, ces trucs-là. Eh oui, eh oui. Bon. Formidable, formidable, mais Dieu sait que... Attendez un peu que ça se perfectionne aussi. Eh oui. De toute façon, c'est pas à Trois-Rivières qu'on va pouvoir payer avec ça de sitôt. Pas tout de suite, non. Ça c'est. Puis chez Tim Hortons, ils vont sûrement juste encore prendre la Mastercard puis pas la Visa, ni la débit, ni rien. Ouais, ça, la débit, ça c'est une autre histoire, hein. Ça, c'est... En fait, là, je pourrais péter des plombs en parlant de ça. Ah ouais? Est-ce que t'en as envie? Mais non, mais ça me fait capoter pour vrai. C'est complètement. C'est idiot, là. Puis en plus, Dieu sait que c'est des petits montants, là. Ok, attends. Vas-y. Tout le temps de quoi? Hein? C'est tout le temps de quoi? La vie est faite de moi, t'es pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite de moi, t'es pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Je vais avoir surprise. Hein? Tabarouette. Mais il y a tout le temps de quoi, là, mais c'est vrai. Il y a tout le temps de quoi. Pour vrai, c'est hallucinant, mais je comprends pas qu'une aussi grosse chaîne peut... Ouais. Ben moi, leur raison, quand on leur demande pourquoi ils prennent pas le débit, c'est parce qu'ils veulent pas ralentir le flow. Ils s'arrêtent autant quand tu peux payer par... t'as ta carte. Moi, j'ai une carte Tim Hortons, là, tu sais. Genre, c'est facile, ils font juste la glisser, puis ça prend ton argent dessus, mais ça fait autant ralentir le monde que de... je veux dire, écrire un NIP, ça prend combien de temps écrire un NIP? Hey, puis on s'entend-tu pour dire que... je veux pas non plus... péter une si grosse coche que ça, là, mais les madames et les messieurs qui comptent leur change, ouais. Et puis je m'excuse, là, mais je suis 100 fois plus rapide avec ma carte de débit. Ouais. Puis au moins une chance qu'ils acceptent plus les chèques. Là. À ce que je sache, tu peux plus aller à l'épicerie puis faire un chèque. Tu peux ça encore faire ça? Ben, j'imagine que tu peux encore dans c'est les... rare. Ben, dans les villages, là, en fait. Ouais. Ça doit se faire encore. Mais tu sais, en même temps, il faut que la personne. Tu sais, toi, tu peux pas arriver dans un petit village pour dire, je vais te faire un chèque. Faut que tu reconnaisses la face. Ben, ouais, il faut que ça fasse une couple de fois que tu ailles là. Mais tu sais, sinon, mettons, j'étais à l'épicerie, y avait une fille, elle arrive avec son. C'est différent, genre une dizaine de coupons. Tu sais, quand tu vas faire tes canettes puis tes. Tu sais, là. Oh, ouais, à la machine ouais. À canettes, là, tu sors les petits billets parce que là, à un moment donné, quand tu prends trop de temps, puis là, tu es en train de peut-être vider une bouteille dans l'évier à côté ou quelque chose, il y a tout un évier. Genre. À un moment donné, ben, la machine, elle se reset, puis elle te fait imprimer le coupon, puis là, ben, ça fait que tu en as comme plusieurs à la fin. Puis là, tu arrives à la caisse, puis là, tu sors ta petite monnaie comme de ton portefeuille, puis en plus, tu sors tes petits billets. Hey, il y a un bureau de courtoisie, un comptoir de courtoisie fait exprès pour te changer tes billets en argent. Là. Viens pas faire ça à la caisse alors que nous autres, il y a des clients qui attendent, là. Il me semble, hein? Non, c'est vrai. Fatiguant, ça? Ouais, ouais, hey. Vraiment. Puis ça, on dirait que les gens, ça rentre pas compte. Non. Puis t'as de l'air vraiment déplacé quand t'as de l'air choqué. Offusqué, ouais, c'est ça. Oh. En tout cas. Fait du bien pareil d'en parler. Ah ouais, ouais, pour vrai, oui. Ouais. Qu'on a raison, c'est sûr. À un moment donné, essayez pas de nous dire qu'on a tort. Hein? Ben, écoute, je dis pas non plus que... ben, en fait, ouais, j'ai raison. C'est ça. Alors, faut le dire. À un moment donné, vous dire les vraies affaires, on va se parler dans les blancs des yeux, entre quatre yeux, avec les grains de sel. Entre quatre yeux, oh boy. Ouais, mon grain de sel. Mon grain de sel, il était carré, lui, je l'aime. Jean-Luc Mongrain? Oui, ok, j'étais plus sûr de qui se parlait. Oui, tout à fait, oui. Ben, il y a de l'air sympathique. Tout à fait. Tu sais, il y a comme une émission d'une heure et demie à LCN, Jean-Luc Mongrain. C'est vraiment une longue émission, mais personne... Écoute, ces missions-là, c'est le jour. Oui, mais c'est ça. Écoute les clips sur YouTube. Ouais, ouais, ouais. À place. Ouais, ouais, ouais. Mais, sais-tu quoi? Quoi? Je mettrais cette émission-là. En fait, là, je veux pas. Je pense que je le dirais pas. On devrait rediffuser cette émission-là sur les ondes de Cifou, c'est ça? Non, pas ça. Non, mais tu remplaces François Paradis. Mais François Paradis, je le trouve fort sympathique, par exemple. C'est une bonne idée, ça. Mais sûrement, écoute, je dois pas être le premier à l'avoir pensé, là. Non, non, mais non, mais. Tu sais, il y a une belle moustache aussi. Hein? Oh, tout à fait. Lui, le Movember, il l'a dans le pot. Il l'a toute la vie, lui, c'est Movember Life. Non, mais sans blague, s'ils peuvent jouer à LCN sur les ondes de TVA toute la journée, toute la nuit, genre. Tu sais, puis que la chaîne Argent peut exister pour absolument rien diffuser. Sérieusement, ils ont la chaîne Argent. Pourquoi la chaîne Argent existe de nos jours? Au début, c'était genre toute la journée des nouvelles financières, puis éventuellement, c'est devenu que c'était de plus en plus des reprises de là 3 heures. Ouais. Là, ils mettaient ça à jour une fois par 3 heures. Ouais. Puis là, éventuellement, c'était juste une émission d'une demi-heure qui répétait 15 fois dans la journée. Puis après ça, c'était des reprises de Dallas. Oh oui, puis tu sais, on s'entend-tu pour dire aussi qu'on n'est pas aux États-Unis, là, dans le sens que le bassin de population est vraiment minime. Exact. Et d'autant plus minime quand tu fais juste parler d'argent. Ben oui, c'est sûr. Puis quelqu'un qui veut vraiment s'en occuper, ils vont aller sur Internet ou bien ils vont regarder une capsule argent sur LCN quand ça va jouer aux 15 minutes. Voyons, non! Chaîne d'argent, enlève-moi ça. Transforme ça en deuxième chaîne où ils passent pas de banane puis chambre en ville. Si bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. C'est ça. Vous êtes Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On s'est lâché lousse, puis ça fait du bien. Ouais, tout à fait. Écoute, pause d'écoute. Pause d'écoute tout de suite. Ben, est-ce que ça tente? Ben, pourquoi pas? Si tu veux faire le poste d'écoute. Oh, moi, non? Pas de joindre là-dedans. Moi, je veux dire, à un moment donné, poste d'écoute, pas poste d'écoute, me change pas grand-chose dans la vie. Hein? Ben, okay. Il faut prendre le temps de le faire, par exemple. Puis à un moment donné, ça prend un petit peu de temps. Mais oh, c'est le poste d'écoute sur les ondes de C'est fou dans Assemblage Rocky. C'est de la même, ça. Hein? Attention. Hein? Bienvenue dans le poste d'écoute de C'est fou où on vous présente une fois de temps en temps dans ce segment un album qu'on m'a dit que j'allais sûrement aimer ou encore que je sais que je vais potentiellement fort probablement aimer. Hein? Ou, barre oblique, que t'as reçu à ton nom par la bande. Ah, encore, mais celui-là se dédouble et se triple. Dans le sens que c'est pas mal les trois. Je l'ai reçu personnellement, plusieurs animateurs de C'est fou l'ont reçu aussi, mais je sais très bien que je vais aimer ça parce que notre collaborateur, Kiwan, vous connaissez peut-être Kiwan en cavale, ben oui. Adore Vidéoville, il nous en a fait jouer pas mal souvent, je dirais, dans le temps qu'il animait l'émission avec moi. Donc aujourd'hui, on va écouter leur album Vidéoville 2, Vendetta del Futuro, et puis on va entendre la pièce Gamera. C'est tout chaud, là. C'est tout chaud, ça vient d'arriver. Gamera tout à l'heure, mais on commence avec la pièce qui ouvre l'album. Voici Mike Monty is Dead dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1. Facile. père. C'est tout. Tout est étrange ici pour nous. Nous sommes en plein royaume des Incas. We'll be right back. Vidéoville et la pièce Gamera de leur album Vendetta del Futuro. J'aime ça, je m'attendais pas à ça du tout. À cause de la pochette brune avec une cassette vidéo dessus? Non, mais Vidéoville, ça sonne très français, francophone. Okay. Donc je m'attendais à ce qu'ils chantent. Et je m'attendais peut-être à du déjà vu, en fait. Mm-hmm. Mais ce n'est pas du déjà vu, non. C'est de la très bonne musique. On a entendu aussi les pièces d'intro, Mike Monty is Dead, suivi de Commandant Cobra. Donc voilà, c'est comme, dans le fond, pas mal l'équivalent de trois pièces, hein, si on veut. Parlons un petit peu de Vidéoville. Leur album va être disponible à partir du 20 novembre, donc dans trois jours, en vinyle et sur iTunes. C'est sur l'étiquette Polly Pulse Records. Les membres sont Chen à la vidéo git, Joe au vidéo drum et Nico à la vidéo basse. Le 20 novembre aussi, ils vont faire un lancement à l'ESCO de Montréal. Vous pouvez aller voir myspace.com/vidéoville ou encore videoville.tumblr.com. Tumblr, T-U-M-B-L-R. Sur leur Tumblr, ils postent plein de posters pour leur spectacle, des vidéos qui les ont inspirés et puis des petites histoires, des affaires sur le groupe. C'est quand même assez joli. Alors que sur leur MySpace, ben, on apprend plein d'affaires, plein de choses. Il y a une biographie, entre autres. Si je peux me permettre de vous lire ça un instant, pourquoi pas. Un ex-lieutenant des forces spéciales de l'armée, Chen, est remarqué lorsqu'il remporte une compétition de survie. Il devient l'homme le plus endurant du monde. Il est kidnappé par un millionnaire psychopathe, Danton Vax, et forcé à jouer dans son jeu diabolique une partie de chasse qui attire de partout au monde des tueurs pervers qui s'amusent à traquer et tuer un homme. Prisonnier sur une île privée, Chen rencontre Joe, ex-proie qui a vaincu ses prédateurs et est resté caché depuis. Ils s'uniront pour tuer les chasseurs un à un pour s'évader. Pendant ce temps, le camarade d'armée de Chen, Nico, le cherche partout en hélicoptère, prêt pour l'action. Lorsqu'il les retrouve, c'est de la dynamite. La chasse prend alors une autre allure. Vidéoville. Ah, ben c'est beau. C'était le poste d'écoute pour aujourd'hui. Allez voir assemblagerequis.com pour les liens, si ça vous le dit. Nous, c'est la fin d'Assemblage Requis pour une première heure. Il y en a une deuxième tout à l'heure. Et là, elle va être vraiment très, très bonne, cette deuxième heure-là. Hein? Espérons-le. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Vincent Gauthier, qui va nous parler de sport un peu plus tard. Mm-hmm. On fait un petit téléphone concernant le Movember. Oh, les moustaches! Moustaches, cancer de la prostate. Donc, c'est à peu près ça. Ouais. C'est assez, je pense. Ouais, tout à fait. À la place de vous promettre des trucs et pas les faire. Est-ce que je vais le dire 1000 fois dans l'émission aujourd'hui que je fais tout le temps ça, promettre des affaires puis qu'on les fait pas? Est-ce que c'est une belle journée, Mathieu? Ça fait loser un peu. Oui, c'est une très belle journée. Très belle journée. Parle-moi de ça. Est-ce qu'il mouille encore? Sûrement. Nous, c'est comme, on est vraiment pas comme à Salut Bonjour où ils ont des fenêtres en arrière. En tout cas, j'ai pas vu, là, mais... Super. On vous tiendra au courant en direct. Bye. À tantôt. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et on t'en dirait des studios de CFO à Trois-Rivières en ce mercredi 17 novembre 2017. Pour commencer cette deuxième heure, je trouve que parler de sport, ce serait une chose appropriée. Je sais pas ce que t'en penses, toi, personnellement. Hein? Tout à fait. On reçoit présentement Vincent Gauthier qui nous parle encore du football cette semaine. Salut, Vincent. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bon, parle-nous de ça. Écoute, qu'est-ce qui se passe au niveau du football cette semaine? Ben, enfin, les Alouettes, là, après une semaine de congé, vont enfin pouvoir amorcer les séries. Ça va être la finale de l'Est. Dimanche, au Stade Olympique, là, comme quasiment à chaque année, c'est rendu une tradition. Là, les Alouettes gagnent presque à chaque année leur conférence pour pouvoir accueillir le match de finale de l'Est. Il y a déjà plus de 50 000 billets qui ont été vendus, puis ça va être... tout un affrontement là, avec les Argonauts de Toronto, les Argonauts qui ont gagné le week-end dernier contre Hamilton dans un match très serré. Ce ne sera pas une chose facile là, pour les Alouettes, là, parce que cette année, ça a été des matchs très serrés toute l'année contre les Argonauts. Donc, ça va quand même un beau défi. Les Argonauts aussi qui ont battu les Alouettes à leur dernier affrontement, même si les Alouettes, en fait, c'était comme le club B qui s'était présenté. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a eu cette victoire-là des Argonauts. Ça a été une victoire écrasante contre les Alouettes. Mais bon, même si on ne regarde pas juste ce match-là, il y a quand même deux autres matchs qui ont été très serrés, là. D'ailleurs, la fiche entre les deux équipes, c'est deux victoires de chaque côté cette année. Donc, faut quand même pas prendre les Argonauts à la légère, là. Puis, même les Argonauts auraient pu remporter trois matchs sur quatre cette année, là. On se souviendra, là, la dernière victoire des Alouettes, là, contre les Argonauts, ça a été sur, je sais pas si t'avais vu ce jeu-là. Un jeu un peu bizarre, c'était fini avec, genre, trois bottées consécutives sur le même jeu pour finalement les Alouettes recouvrent le ballon en zone adverse. Donc, c'était un peu bizarre comme fin de match, mais c'est ça qui avait réussi à sauver les Alouettes. OK. Et puis, les Alouettes aussi vont recevoir un bon petit coup de main cette semaine, là, défensivement. Il y a Mathieu Proulx, là, puis Diamond Ferry, là, qui deux joueurs assez importants défensifs qui devraient être de retour au jeu. Là, donc, la semaine des activités a quand même eu des effets bénéfiques, là, pour les Alouettes. Puis, Anthony Calvillo est en pleine forme? Ah, ben comme à chaque année, là, ça va être la routine pour lui, j'imagine. Il est toujours prêt quand vient ce temps-ci de la saison. Là. Encore une fois, c'est les Alouettes qui sont favoris. Puis, si Calvillo joue à la hauteur de son talent, là, les Alouettes devraient retourner à la Coupe Grey pour essayer de défendre leur titre avec l'an dernier. OK. Et puis, est-ce que c'est la dernière saison de Calvillo cette année? À chaque année, on dirait qu'on entend que c'est peut-être la dernière... Oui, c'est sûr. L'année passée, on aurait pu croire qu'elle allait se retirer sur une note gagnante après avoir justement gagné la Coupe Grey. Bon, de retour encore cette année, encore peut-être même plus dominant que l'année passée. Donc, c'est un peu difficile à savoir, là, ces joueurs-là. Là, ils s'améliorent encore à chaque année. Là. Ça reste à voir. Là. Bon, je pense qu'Anthony Calvillo encore soif de victoire. Là, et puis, il aimerait bien ça, avoir une autre Coupe Grey à son actif. Là, cette année. Puis, ça va être très intéressant dans l'autre finale de conférence, dans l'Ouest. Ça va être Calgary contre les Rough Riders de Saskatchewan. Saskatchewan aimerait bien gagner, j'imagine, pour pouvoir venger son échec de l'an dernier contre les Alouettes en finale. Donc, ouais, c'est ça, ça pourrait être un beau petit match-up pour la finale, encore une fois, cette année. Merveilleux, merveilleux. Et ça se déroule quand? Ça va être le 28. Si je ne me trompe pas, dans le fond, ça va être le dimanche d'après. Okay. C'est présenté à Edmonton, ce match-là, cette année. Donc, c'est ça. Ça risque d'être un match, encore une fois, assez intéressant. Selon moi, je pense que Calgary va réussir à remporter contre Saskatchewan. Donc, on pourrait s'attendre à un petit affrontement Montréal-Calgary en finale de la Coupe Grey. Ça pourrait être assez palpitant. Ce sera pas pire, ça. Oui. Non, ben, à chaque année, les partisans des Alouettes sont assez comblés. Là. C'est sûr qu'il y a peut-être une petite débandade en fin de saison, mais on va voir s'ils vont être capables de se reprendre là, quand ça va compter à partir de dimanche au Stade olympique. OK, merveilleux. Écoute, on va suivre ça de près. Et puis, NFL? Oui, NFL, ben une autre... Une semaine? Une grosse semaine, ça continue de se corser à chaque année, à chaque saison, je veux dire, à chaque semaine. Puis, selon moi, la plus grosse surprise cette semaine dans la NFL, c'est les Cowboys de Dallas là, qui avaient congédié leur entraîneur la semaine d'avant après un début de saison pitoyable d'une victoire, 7 défaites. Ils ne semblaient pas capables de gagner un seul match. Et puis, un petit changement d'entraîneur. C'est Jason Garrett qui s'amène à la barre d'équipe. Puis, une victoire assez convaincante de 33-20 contre les Giants de New York, qui sont quand même une très bonne équipe cette saison dans la NFL. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin, savoir où était le problème. Là. Peut-être que les joueurs, ça leur tentait juste plus de jouer pour l'ancien entraîneur Wade Phillips, parce que je vois pas qu'est-ce qui pourrait expliquer là, un tel revirement de situation à part ça. Là. Ça a été, selon moi, là, une des plus grosses surprises dans la NFL cette semaine. Peut-être que le nouveau coach les a fouettés. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que les joueurs voulaient impressionner le nouveau coach pour gagner leur poste, dans le fond, et puis avoir plus de temps de jeu. À part ça, il y a Donovan McNabb là, qui a signé un nouveau contrat avec les Redskins de Washington, un beau petit contrat de 5 ans pour 78 millions. Quand même payant. Ça fait quand même du bien, mais ça, il a signé ça, ce contrat-là, lundi. Et puis, ben, le lundi soir, c'est lui qui jouait. Puis, il s'est fait écraser par son ancienne équipe, 59-28. Donc, c'est sûr que c'est quand même 70 millions quand même, mais le contrat a peut-être passé un petit peu de travers, là. Ouais, non, c'est sûr, mais ça doit être plus dur à gérer pour la direction. Ouais, puis en terminant peut-être le dernier match là, qui m'a impressionné, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre là, qui ont fait une bouchée des Steelers de Pittsburgh. Là. Et puis c'était un match là, qui était très attendu entre deux des meilleures équipes de la Ligue cette année. Là. Les Patriots sont 29-26. Je sais pas comment ce qui s'est passé dans le camp des Steelers, là, pourtant reconnus pour leur défensive assez étanche. Là. Ils se sont fait complètement dominer. Là. Ça, Steelers qui était une des favorites, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, ils sont encore une des meilleures équipes, là, mais bon. Un match fait pas une saison, mais ils ont été peut-être un peu décevants le dimanche dernier. Et puis, c'est ça. Ça augure bien là, pour cette semaine avec d'autres matchs encore assez intéressants. Je pense encore aux Patriots, là, parce que bon, c'est une équipe qui fait toujours jaser beaucoup dans l'actualité. Puis ils vont se frotter aux Colts d'Indianapolis, les finalistes du dernier Super Bowl. Là. Ça va être tout un affrontement dimanche après-midi. En Nouvelle-Angleterre. Cool, ça va être à suivre ça aussi. Hey, écoute, en terminant, un petit mot sur les Canadiens? Ouais. Ça va bien? Je suis complètement assez surpris là, de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Là, dans le fond, là, des victoires assez convaincantes. Là, ils ont battu des grosses équipes, les Canucks, les Bruins, puis hier, les Flyers qui ne perdaient plus. Non, c'est ça, une grosse équipe, ça aussi. Ils ont blanchi 3-0. Je sais pas d'où ça sort, mais Carey Price est solide match après match. Et puis, l'avantage numérique s'est aussi ressaisi là, au cours des 10 derniers jours. Donc ça, là, c'est la recette parfaite là, pour que le Canadien ait du succès. C'est un avantage numérique qui fonctionne et puis un gardien qui fait les gros arrêts quand c'est le temps. Puis, mais tout ça, ça vient en fait de Jacques Martin ou parce qu'on voit quand même une différence notable là, comparativement à l'année dernière? Je ne sais pas trop si c'est Jacques Martin. C'est sûr que son système, il est pour quelque chose. Je ne sais pas qui a parlé à Carey Price cet été, mais ça joue surtout des oreilles de ce gars-là. Puis il est solide là, cette année. Il flanche jamais. L'an passé, il avait encore des bonnes statistiques, sauf que quand c'était le temps de faire les gros arrêts, il était pas là. Il était pas tout le temps présent. Puis cette année, c'est tout à fait le contraire. Il est tout le temps là pour faire la réclée. Puis, ben, à part ça, il y a Thomas Pekanec là, qui est tout simplement sensationnel en début de saison. Oui, qui va bien. L'année dernière, elle aussi, par exemple, allait bien. Oui, c'est ça. Sauf que, bon, peu importe avec qui il semble le placer, là, Thomas Pekanec fait son boulot de façon incroyable. Là, puis, il réussit à faire fonctionner tout le monde qui joue autour de lui. OK, parfait. Puis, Markov, écoute, c'est fini. Sa carrière est finie. Carrière, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va être capable de revenir, justement, aussi dominant qu'il l'était avant. D'après moi, la carrière n'est peut-être pas terminée. Non. Là, mais, justement, s'il revient au jeu, ce ne sera peut-être plus le Markov. Là. Le Markov qu'on a connu, là, aussi dominant, là, qui peut être dans les top 10 et peut-être même top 5 défenseurs de cette ligue-là. Là. Alors, ça veut dire que ben, Piqué Souban, il veut l'associer sa tique avec la broche, parce que ça risque d'être lui qui va devoir prendre les commandes de l'équipe là, en défensive là, au cours des prochaines années. C'est une dure nouvelle là, pour le Canadien, mais qui venait tout juste de revoir Marcoche. C'est ça, exactement, il venait de revenir. Oui, ça sera pas évident. Mais bon, peut-être que Pierre Gauthier est en train de magasiner là, pour, on sait jamais, pour remplacer Marcoche, ça reste à voir. Là. J'imagine. Oui. Mais on gagne, en fait, ça va bien. Hein, oui, c'est ça, il n'y a absolument pas question de paniquer là, pour l'instant chez les Canadiens. Là, les victoires continuent d'être au rendez-vous. Ouais. Les gens aiment ça, on les entend moins quand les Canadiens gagnent. Ouais, Carey Price se fait beaucoup moins critiquer depuis qu'il gagne. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Hey, merci Vincent, écoute, on se dit à la semaine prochaine. Exactement, c'était un plaisir. Parfait, hey, merci, c'est vraiment un plaisir pour nous aussi. Salut. Salut. Vincent Gauthier du Journal de Québec, en direct d'Assemblage Requis, ici pour parler de sports. Hein, tu sais, Cheerios qui remplace... Ricola. Hein? Dans le. Avec le joueur de hockey, là. Dans le. Dans de quoi tu parles, là-dessus? Ah, je sais pas, je connais rien. c'était des sports. Oh, ouais, tout à fait. Ça, je sais qu'on a parlé de sport. De sport, c'est tout ce que tu sais. Merveilleux. Donc, Vincent Gauthier, on le remercie. Et puis, si vous voulez plus de sport, écoutez donc l'inconduit de partie les vendredis entre 9h et 11h, ici même sur les ondes de C'est Fou. Ça serait pratique pour vous, ça, plus de sport. Avec Nicolas Ducharme. C'est du sport en long et en large. Avec le gars dans, avec le bâton, puis la rondelle. Le joueur de hockey. Oh oui, le joueur de hockey, c'est ça que je cherchais. Sacré Mathieu. On écoute l'immense larme de Bill Monarque, et après ça, on parle de moustache. Les joueurs de hockey, ils ont ça, les moustaches, eux autres? Ouais. Yes. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Il reste environ 35 minutes à cette édition d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Salut François. Salut Mathieu. Salut. T'écoutes les palmarès C'est fou des fois les jeudis d'après-midi? Tout le temps. Est-ce que tu te rappelles d'un super segment qui résume les meilleurs moments d'Assemblage requis? Oui. Comment ça s'appelle déjà ça? Écoute, t'as peu, non. Un instant classique? Un instant classique. C'est ça? C'est ça. Maintenant, dans ce bloc, un instant classique, pas ça, toi, là, là. Ben, c'est une surprise. Vous vous rappelez peut-être, il y a deux semaines, pour débuter le mois de novembre, le Movember, pour le cancer de la prostate, vous connaissez la cause là, pour la santé masculine, hein? C'est ça, exactement. En fait, c'est des hommes qui se laissent pousser la moustache dans le but de montrer, en fait, signifier leur appui concernant le cancer de la prostate. Et nous, ben, dans Assemblage requis, pendant plusieurs matins, il y a deux semaines, on a appelé des gens pour leur demander des gens, s'ils voulaient bien se faire pousser la moustache pour nous. Et puis, on leur avait dit qu'on les accompagnerait, comme ça, on les tiendrait par la main pendant le mois de novembre. Puis, ben c'est ça, on les a appelés puis on les a dérangés. C'est le fun. Hein? Je te laisse aller. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Alexandre Lapointe, s'il vous plaît? Oui. Oui, bonjour, c'est Mathieu. Mathieu Plante, oui. Et François-Olivier. Ouais. Est-ce que ça te dit quelque chose? Samedi, l'émission... du matin. Du matin, ouais. Soyons vagues. Hey, Alex, écoute, on t'appelle, OK, parce que le mois de novembre, c'est le mois... Il y a une cause, en fait, qui se laisse aller. Écoute, puis dans l'émission du matin, on se laisse pousser la moustache pour tout le mois de novembre. Oui, okay? Oui. Là, c'est ça. Là, t'es en direct dans l'émission. Ouais. Et puis, on aimerait ça si tu pouvais te laisser la poustache. La poustache? Mousse-toi la poustache, s'il te plaît. Ouais, laisse-toi pousser la... pousser. La moustache pour le cancer de la prostate. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, est-ce que t'es prêt à embarquer avec nous autres? Je vais faire mon possible. OK, donc là, ce matin, tu ne dois pas te raser la moustache, et ce, pour tout le mois de novembre. OK. C'est excellent. Écoute, on va te rappeler, on va faire un petit suivi avec toi au courant de, peut-être pas cette semaine, mais une fois à chaque semaine. Oui. C'est bon, ça? Est-ce que t'as la moustache qui pousse vite ou la poustache qui mousse vite? Ah, moi, c'est ça pousse pas, là. Non, c'est ça, je te comprends. La petite peau de bébé, il est doux. Donc, ça va être le fun pendant un mois, ça paraîtra pas trop. Écoute, merci premièrement de ton accueil chaleureux ce matin. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Sébastien, s'il te plaît? C'est moi-même. Oui, bonjour, c'est Mathieu Plante. Et François-Olivier de C'est fou. Oui. Ça va bien? Oui. Oui, hey, écoute, t'es en direct ce matin, et puis on t'appelle parce que on a un service, je sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? pas vraiment, là. Pas vraiment. En fait, écoute, on se laisse pousser la moustache pour le cancer de la prostate. Et on se disait sûrement que Sébastien, ce matin, il dormait. Et puis, on pourrait le réveiller en lui offrant de se faire pousser la moustache. T'es chanceux. Parce que premièrement, je dormais. Désolé. Et puis, pour la moustache, est-ce que c'est une chose qui peut se faire? Tout le mois de novembre, en fait. Pour une bonne cause. Pour une bonne cause. OK, on part. Cool! Wow. Je me suis rasé hier, ben là. Ah, mais c'est correct. T'avais droit à un jour de freebies, c'est correct. Ah, ouais. Bon, parfait. Écoute, on va te rappeler, on va essayer de te réveiller à nouveau au courant du mois pour voir si la moustache pousse bien. Parfait. Merveilleux. Merci. Hey, mais merci, Sébastien. Oui, hello. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler au président du conseil d'administration de C'est fou 89.1 FM, s'il vous plaît? C'est moi. Oui, bonjour. C'est Mathieu Plante. Oui. Et François-Olivier, hey, désolé, je ris un peu. Écoute, t'es en direct de l'émission Assemblage requis, présentement. Génial. Donc, on dit pas trop de niaiserie. Hey, et, en fait, on t'appelle parce que tu sais que le mois de novembre, c'est le mois où les hommes peuvent se laisser pousser la moustache pour le cancer de la prostate. Ah, bien sûr. Donc, écoute, on s'est demandé, en fait, moi, Mathieu Plante, on en fait partie d'année janvier aussi. Se laisse pousser la moustache. Donc, on disait aussi que le président du conseil d'administration pourrait emboîter le pas. Ah, écoute, je peux toujours essayer.

C'est pas le fun. Ça chatouille sur le bord des babines, puis tout, là, c'est épouvantable. Je suis rendu, je la peigne quasiment le matin. Est-ce que tu sens l'air quand tu respires des fois? Là, moi, je sens l'air sur mes stages. En tout cas, c'est le fun. Hey, mais écoute, en fait, est encore là? Oui, est encore là. Oui, et, ok, parfait. Et puis, écoute, on peut te compter. Il reste plus grand temps non plus, là. Non, non. Moins de deux semaines. Ouais, moins de deux semaines. Écoute, il faut pas lâcher. J'ai hâte de te voir ta route. Hey, t'es-tu capable de nous envoyer une photo? On mettrait ça sur le site internet. Ben, ah ouais, all right. Je t'envoie ça par texto? Je sais pas, par courriel peut-être? Par courriel, pas de trop, par quelle adresse? Ouais, ben, je vais t'envoyer ça, moi, par texto. On peut se dire ça ailleurs que sur les autres. Mais... mais merci, Thibon, Colin, c'est le fun de savoir que morceau de viande peut se faire pousser du poil. oui, ben écoute, n'importe quel morceau de viande a eu du poil avant de devenir un morceau de viande, dis-toi ça. Bon point, j'aime ça. Hey, c'est cool, Thibon, fait que, merci, puis écoute, c'est sûr qu'on te rappelle d'ici la fin du mois de novembre. Lâche pas, écoute, s'il y a d'autres choses, tu peux me texter. Envoie-nous ta photo, on va mettre ça sur le site internet. Parfait. Cool, hey, merci encore. Salut. Bonne prostate. Bonne prostate, c'est fin ça. Power. Oh yeah. Ah, on va se faire des pancartes. Thibon en direct par téléphone. Ah, il est sympathique. Colin qui est fin, puis il participe à une bonne cause. J'espère qu'il réalise. Ouais, tout à fait. On va appeler d'autres gens. Vous avez entendu dans le montage Alexandre Lapointe, Sébastien Richard, Jean-Philippe Ayotte, Guy et puis Nicolas Duchamp. Par contre, vous ne l'avez pas entendu dans le montage. Pourquoi? Parce que lui, il a une petite particularité. Il nous a refusé dès le départ, lui. Nicolas. Ouais, mais on va essayer de le surprendre, un matin encore, là, question de réveiller. Attends, je viens de penser à quelque chose, François, tu me diras si j'ai tort, mais il me semble que quand on l'avait appelé, c'était un mercredi, ouais, il avait exactement. Dit qu'il était en congé, donc il pouvait dormir, ouais, donc exact. Ça serait approprié de peut-être faire ça tout à l'heure, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tout à fait, on pourrait faire ça en pièce puis aller le réveiller. Exact, on va entendre une pièce de Los Campesinos, on va écouter pourquoi non pas We Are Beautiful, We Are Doomed, et puis après ça, on parle avec Nicolas Duchamp, espérons-le, j'espère qu'on va le réveiller pour vrai. Mérite rien que ça. Au moins, c'était pas deux semaines de suite, hein. Il y a une petite séparation. C'était Assemblage Rocky. You kiss my neck, I whisper in your ear. This is my dying flesh, you squint and you grimace. We both know your heart's not in it. In a glow of a thousand fireflies, no travelodge on sweet. They think the future's bright as halogen. We know it's pretty bleak and I'm trying to be sexy, biting at the air that falls in front of me. A joke, I'd like to meet them, but they loathe me and I hate them back. Absence makes the heart grow fonder, fondness makes the absence longer. Length loses my interest, I'm a realist, I'm insatiable. Stop counting days until I fly with hours before your reply. A crisp and throw up by a football pitch, I know it is, and really that's what worries me. I feel like I should hurt. You said this guy is teeth fixed.

Pourquoi je vous remercie? J'ai pas de raison de vous remercier à matin, mais... Nick, je t'interromps. En fait, c'est nous autres qui te remercient de te laisser pousser la moustache. Ouais, c'est ça. Hey, mais les filles, ils ont du droit de participer. Les filles ont le droit de se laisser pousser le poil des jambes. Ah ouais? Okay. Non. Ils peuvent se dessiner une moustache, mettons, on pourrait dire. Non? Ben, j'ai pas tout à fait le goût que ça commence un mouvement dans la population où la femme va se mettre à pousser la moustache. Je pense que honnêtement, le but final de la campagne n'aura pas été atteint, c'est ce qui se met à se passer. Non. On va juste se choisir une couleur. Peut-être un beau petit baby blue, là. Hein? Puis faire apporter ça à tout le monde. Ah, ça va être beau. Ouais. Comme le rose, bon. Bref, merci Nicolas. Merci. Et vraiment désolé. C'était notre seul et unique refus dans notre événement Movember. Nicolas Ducharme, à qui on parlait il y a deux semaines. Tout le monde que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'était il y a deux semaines. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Donc là, on le rappelle? On rappelle. C'est le moment. Attention, on appelle Nicolas Ducharme. Mais là, il est supposé dormir. On l'a entendu dans le montage. Il est supposé être en train de dormir parce que c'est son journée de congé. On est vraiment pas gentil, je le sais. Mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Là. C'est pour une bonne cause. C'est pour le cancer de la prostate. Là. Hein? Tu sais, si c'était pour une niaiserie, on l'appellerait pas. On le réveillerait pas du tout. Ça, oh non, c'est pas le bon numéro. Qu'est-ce que tu fais? Juste une seconde. Okay, je pense qu'il allait appeler le maire de Trois-Rivières. Okay. Bref, Movember.com, encore une fois. Nous, on se laisse pousser la moustache. On va mettre les photos éventuellement sur cif.ca. On espère pouvoir faire ça avec une petite timeline, une ligne temporelle de nos différentes moustaches avec le temps. Bon, ça sonne enfin. Je m'étais trompé de numéro. Je vois ça. Hein. Allez, vas-y. Start-moi ça. C'est encore pas une surprise. C'est chapeau d'eau. Je sais pas s'il va répondre, mais peut-être qu'il a compris. T'sais. C'est ça, il sait là, qu'on est supposé l'appeler et qu'on va être chien avec lui en plus. On est souhaite-tu bonne fête? Ça peut être sa fête? Non. Non. Ah, il répondra pas, je le sais qu'il répondra pas. Ah, s'il te plaît. voyons. Ah oui, come on. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Nicolas Ducharme. Ah, c'est plate de sa part. Bon. Ah bon, mais... Mais d'après moi, il sait trop. Il sait. Ah, on est peut-être trop prévisible, c'est ça l'affaire. On l'a appelé sur le même jour. Avec le même numéro. ça c'est pas... J'avais pas pensé mais à ça. Mais ça, on n'a pas le choix non plus. Bon, peux-tu faire un étoile 6-1-1? Ah, c'est quoi le nom? 69 stars. 69, c'est pas pour en arrière? Genre, là, par exemple, là, moi, je connais pas tes techniques, là, Kamasutra. On va écouter Vincent Vallière tout de suite avec Vince Val. Février. Ben oui, puis après ça. On se dit au revoir, on se dit à demain. Ouais, ok. Ben, je sais pas. Ouais, on réessaye pas. Hein. Nick? Non. Ah, il est plate. Hein. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, sud des skis. Février en traîneau, février en skidou, où la langue sur le poteau. Février le hockey, février les pieds gelés, février puis rentrer, huileux et grippé. Février par la fenêtre, février la tempête, février vent du nord, février tuc foulard. Encore, encore, encore, hein. Février. Et puis du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, maudit moi malfaisant, je t'aime hein, de temps en temps. Février la débine, février compte. Février Valentine, faut qu'on se garde au chaud. Février dans le noir, février de bonheur, février désespoir, février dans mon cœur. Février coupe de rouge, février caribou, février tini rouge, février un peu chaud. Février dans le bouchon ou dans le clos d'un canton. Février dépression, février toucher le fond. Février puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant, maudis-moi malfaisant. Je t'aime, mais pas tout le temps. ta fête. Février des heures bêtes, février débarrasse, mets donc ça sa glace. Timo, dis-moi qui en finit pas, je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, beau pays malfaisant, je t'aime, mais plus maintenant. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Good Bears, Ghost Bad, The Birthday Cake. J'adore cette chanson-là. Ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas entendu. Est-ce que tu aimes ça, toi? Expérimental un peu, hein? Oh, oui, oui. Très bon. Maintenant, par exemple, on sait que ça part dans tous les sens. Là, oui. Mais ça revient. C'est ce que j'aime. C'est tout pour Assemblage requis pour aujourd'hui. Avec nos histoires de moustaches, là. Ça va faire, ça va faire. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a demain, François? Demain, grosse journée comme le jeudi. Premièrement, c'est la dernière de la semaine. Bien sûr. Deuxièmement, on reçoit Simon Fitzbert avec sa chronique Phénomène. Et puis troisièmement, aussi, François Landry. François Landry, ben oui. Le cousin de Maxime Landry. Avec la même veste. Avec la même veste? Du tout. Non, tout. C'est ça, j'étais là, mais je l'ai pas vue. Mais... Non, mais elle n'existe pas. Restez sur nos ondes parce que tout à l'heure, à 10h, ça va être connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Puis le dîner de con à partir de 11h. Bonne journée, François. Bonne journée, François. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Bye. Vas-y, mets ta moustache. Enlève ta moustache. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.